Chez Dolbo Auto, le mois d'août, c'est le mois du camion avec le Silverado 1500 à cabine multiple. Financement à 0% sur 72 mois, plus 2 900 $ en remise au comptant à la livraison. Ou encore le Colorado 2019 à 1,99% pendant 60 mois, plus 1 250 $ en crédit total de financement. Profitez des rabais préférentiels aux membres Costco admissibles. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, 276-0580. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. On va parler avec notre ami Jacques Doucet de Baseball. Salut Jacques! Salut Danny! Jacques, je veux te parler des déclarations de Goose Gossage, également de Lou Piniella et de Pete Rose, qui ont mentionné, c'est un article qui a passé dans le USA Today, qui disent qu'ils ne regardent même plus de baseball parce qu'ils trouvent le baseball plate, le baseball d'aujourd'hui. Je vais te dire une affaire, sans dire que c'est plate, là. Moi, j'adore encore le baseball. Moi, dire que moi, j'ai connu le baseball des années 80. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à écouter le baseball et à adorer ce sport-là. Puis, il me semble que si on regarde dans le temps, j'aimais mieux le baseball dans le temps qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de stratégie, beaucoup plus de vols de but. Le squeeze, on ne voit plus ça. Le coup filé, on voit de moins en moins ça. Toi qui a décrit ces deux époques, comment tu trouves les déclarations de ces trois joueurs-là? Ils n'ont pas tellement tort. Non, hein? Non, mais écoute, Danny, l'évolution du baseball fait qu'on est rendu non seulement dans une ère de spécialisation avec les techniques avancées, les statistiques avancées, le déploiement de stratégie défensive exagérée d'un côté comme de l'autre. On a l'impression des fois qu'on assiste à un match de softball avec le rover au champ extérieur. Ouais. Ça enlève beaucoup de piquant. Et même dans la Ligue nationale, l'autre jour, j'ai été surpris, je regardais un match des Indiens de Cleveland et j'ai vu commander un amortisseur avec les fils par Terry Francona. Ça faisait longtemps que j'avais... Tu sais que Francona a été élevé dans la Ligue nationale. Ses premiers pas comme gérant, il les a fait avec les Phillies depuis la Philadelphie. Mais quand même, il semble que de plus en plus, on s'appuie sur ce qu'on appelle les statistiques avancées. On s'appuie sur des stratégies défensives exagérées. Et ça enlève parce que il semble que les gérants ou encore les joueurs s'entêtent à ne pas défier des stratégies défensives. C'est lorsque tu as personne ou presque entre le deuxième et le troisième but, lorsque tu as un frappeur gaucher au bâton, pourquoi pas que le gérant n'insiste pas pour que son frappeur frappe la balle du côté gauche, dépose simplement une amortie vers le troisième? Ouais. Ça pourrait contrer ces stratégies défensives qui, selon moi, enlèvent énormément de lustre à un match de baseball. Aussi, mon collègue Roger Brulotte en parle assez souvent, pourquoi que le baseball majeur, et peut-être qu'on va le faire au cours de la prochaine saison morte, interprise le déploiement exagéré de ces défensives d'un côté ou de l'autre en forçant les joueurs à être au moins devant le gazon du champ extérieur. Ouais. Si tu veux placer 5 joueurs ou 4 joueurs entre le deuxième et le premier but, mais personne au champ extérieur, à l'entrechamp, là, ben ça, écoute, si tu veux risquer ça, parfait. Mais lorsque tu places ton joueur de deuxième but à l'entrechamp droit ou ton joueur d'arrêt-court à l'entrechamp gauche, ben ça, j'ai un petit peu de difficulté à avaler ça. Mais Jacques, t'as pas parlé de ce qui se passait dans le temps des années 80. T'sais, quand Vince Coleman embarquait ses buts, quand Tim Raines embarquait ses buts, m'a dit en affaire... Pourquoi on a arrêté? Ouais. Les directeurs gérants et les propriétaires d'équipe ont arrêté de valoriser monétairement le vol de but. Oui, effectivement, mais c'était excitant, moi, par exemple. La dernière fois, la dernière fois que Tim Raines a volé 66 buts avec les Expos, il est allé en arbitrage. Ouais. Puis la direction des Expos a dit, nous autres, le vol de buts, ça ne nous intéresse pas. Ouais. Alors, il a dit, correct, moi, je vais arrêter de voler des buts, laissez-moi deuxième ou troisième, puis je vais produire des points. Mm. C'est ça. Mais tu sais, le squeeze, ça fait combien de temps que t'as pas vu ça, Jacques? T'as décrit des matchs? Alors, j'en ai vu quelques-uns, écoute. Ouais. Et puis, lorsque je travaille au micro à TVA Sport, ouais. Lorsqu'il y a un coureur au troisième, le match est serré vers la en fin de rencontre, souvent avec Roger ou encore en compagnie d'Eddie Cazavant ou de François Paquette, on va dire, il y a une possibilité de squeeze, mais c'est rare que ça arrive, t'as raison. c'est, mais dans le temps de Whitey, c'était les plus beaux matchs Expo Cards des années 80. T'avais Whitey Herzog d'un côté, qui était un maître pour fabriquer des points. T'avais un stade qui était très, très vaste, ça prenait des coureurs rapides pour couvrir tout ça. C'était vraiment les plus beaux matchs, il me semble qu'on n'a plus ça. Puis dans la Ligue américaine, ben, ça a toujours été la puissance. Ça. Puis même les lanceurs, Jacques, j'en parlais l'année passée avec Mark Griffin. Je ne suis pas sûr qu'un Greg Maddux est un choix de première ronde aujourd'hui. Tu as peut-être raison. Ouais, hein? Mais aujourd'hui, on cherche surtout de lanceurs qui mesurent 6 et 6 et qui va lancer entre 95 et 100 000 à l'heure. Ouais. Bien, et c'est pour ça que des fois, quand je jette un coup d'œil du côté des Blue Jays de Toronto, présentement, au sein de la formation majeure, là, vous n'en avez pas de lanceurs, peut-être à part d'un releveur ou deux, qui lancent au-dessus de 95 000 à l'heure. Mm. C'est des gars qui vont lancer entre 88 et 92, 93 000 à l'heure, et on se fie surtout sur la précision des lancers. Je ne te dis pas que ça va être la même chose avec Pearson, lorsqu'il va arriver. D'ailleurs, on a vu quelques lanceurs des Blue Jays qui ont été promus au 3A, qui ont très, très bien fait, ouais. Notamment le gars que les Blue Jays avaient obtenu. Anthony Kay, deux bons départs de fil. Oui, c'est ça. Alors, tu sais, je te dis pas que ça changera pas avec les prochaines années, mais présentement, quand tu regardes le personnel de lanceurs partant, chez les Blue Jays, à part de Wagersback qui, incidemment, a lancé un match de toute beauté contre les Dodgers hier, je ne te dis pas que ça ne changera pas au cours des prochaines années, mais présentement, tu as entièrement raison, on se fie sur la rapidité des lanceurs des tirs, mais il n'y a plus des lanceurs de finesse comme on avait il y a 20 ou 30 ans. Ouais. Ça a changé où? C'est-tu la bataille de circuit Maguire-Sosa? C'est à partir de ce moment-là que ça a changé? Oh, ça a changé plus récemment que ça, je pense. Ah oui, OK. Rare étaient ceux qui, à ce moment-là, tu avais Bonds, tu avais Maguire, Sosa. Tu as eu quelques autres là, qui, en ayant pris des vitamines, ont connu des saisons exceptionnelles. Tu sais, je me souviens pas exactement de son nom, mais il y avait un gars des Orioles, il avait frappé 50 coups de circuit une année, mais il n'avait jamais frappé plus que 20 avant. Brady Anderson. Fait... C'est pas Brady Anderson? Oui, tu as raison. Ouais. Alors, tu sais, mais il y a toujours eu une différence marquée entre la Ligue américaine ben et ouais. la Ligue nationale, surtout lorsqu'on a institué le frappeur de choix. Puis là, ben, c'est la prochaine convention. Dans la Ligue. Oui. Dans la Ligue nationale, je regardais les statistiques des deux premiers matchs des Blue Jays. On n'essaie pas non plus l'amorti. Non. C'est rare. On va l'utiliser dans la Ligue nationale. Ça arrive. Mais c'est un art. D'ailleurs, quand tu regardes les exercices d'avant-match, les frappeurs se présentent au bâton contre l'ancien exercice. On déposait deux amortis, puis après, hey, envoie-moi des balles que je me lance de toutes mes forces. Ouais, c'est ça. L'art de fabriquer des points. C'est Whitey Herzog. Ouais. Philippe Allou, t'es excellent. Philippe, t'es très très bon. Whitey Herzog, moi, c'était le maître dans le temps. C'était vraiment excitant. Hey, Jacques, on va passer à un deuxième sujet d'actualité. Abraham Toro, ça a fait la manchette hier, 0 en 4, je crois. Oui. C'est tout un. Honnêtement, j'ai été surpris qu'il rappelle, pas parce qu'il allait très bien, mais son équipe dans le 3 va très très bien également. Puis moi, je m'attendais plus à l'année prochaine. Puis le gars était même pas dans la liste des 40. Donc, c'est surprenant pareil, hein? Ben, c'est parce que Correa a été blessé. Ouais, ouais. Ben, lorsque le joueur de recours régulier numéro 1 a été blessé, là, on a dit, faut transférer quelqu'un. Craig Ben, on va le transférer à la recours. Ça nous prend quelqu'un pour jouer au troisième but. Et puis, le jeune taureau avait tellement fait écarquiller les yeux lors du camp d'entraînement. Et ensuite, je ne dis pas qu'il était un peu brûlé à la ligue, mais il serait pas pour au-delà de 400 dans le 3A. Ouais. Alors, c'est qui d'autre à la ligue? Il y en avait peut-être d'autres à d'autres positions qui avaient eu une séance, mais on avait besoin d'un joueur d'avant-champ, un joueur de troisième but. Ouais. Et Toro répondait justement aux critères dont on avait besoin. C'est vraiment un gars qui a un beau potentiel. Frappeur ambidex, peut jouer au troisième, peut jouer au deuxième, peut jouer au premier. Non, c'est vraiment intéressant. La seule chose qu'on lui reproche, c'est pour l'instant, il n'est pas très mobile. OK, OK. Mais ça se corrige. Hey Jacques, il y a eu cette semaine une série, je ne tenais pas parler off the record, mais tu dois avoir une opinion pareille. Une série à Tampa Bay cette semaine, il y a eu 6000, deux fois des essences de 6000 personnes. Honnêtement, là, je suis pas sûr qu'on va t'offrir jusqu'en 2024 avec les Rays. Tu sais, 6000 personnes, tu t'en vas où avec ça? Ben écoute, dans le moment, je pense que les Rays de Tampa Bay survivent. Ouais. En raison d'un lucratif contrat de télé. Ouais. Et du partage des revenus. Parce que c'est pas la vente des billets au guichet qui peut faire rendre intéressé monsieur le propriétaire à rester là. Ouais. Dans le moment, on ne veut rien bousculer. On sait que les gens de Tampa, de Saint-Pétersbourg, parce qu'on dit de Tampa Bay, mais en fait, ils sont dans le coin de Saint-Pétersbourg. Eux ont dit non, il n'y en a pas question que vous alliez jouer des matchs à Montréal. Mm. Alors on va voir qu'est-ce qui va passer au cours de l'hiver. Je suis convaincu que le commissaire en a ras-le-bol de voir les 20 assistantes et ce, alors que ton club se bat pour un poste dans les séries éliminatoires. Ouais. Ils ont un club qui est très intéressant, les Rays de Tampa Bay. Je prendrais ça à Montréal demain matin. Ben oui. Puis ils lâchent pas, puis avec pratiquement pas d'argent. Et on va attendre le déroulement une fois que la saison va être terminée, ce qui va se passer dans le cadre des assises. Puis il y aura sûrement des rencontres des propriétaires. Et à ce moment-là, est-ce qu'on va décider de verser l'amende pour se défaire du contrat qui lie Tampa Bay au stade Tropicana. Là, on verra qu'est-ce qu'on va faire, mais on ne mettra pas la charrue en avant des bœufs, comme on dit. On va y aller mollo. On va marcher un pas à la fois, puis on va voir ce qui va se dérouler, puis après, ça ne donne rien de faire des projections tant et aussi longtemps qu'on n'a pas une situation qui est claire et nette. Ouais. Jacques, dernier point d'actualité. Il y a 30 ans aujourd'hui, c'est le match le plus long de l'histoire des Expos. J'ai parlé à Claude Hubert. C'est celui-là qui a fait Youpi. Oui. Lui qui avait été expulsé. Tu étais à la description de ce match-là, Jacques. On peut le voir sur YouTube d'ailleurs. Ça avait été un match spécial un peu. Hein. T'sais, Larry Walker, Youpi qui se fait expulser, la seule mascotte. Larry Walker qui... on pense que en 13e manche, je pense que Walker fait un attrapé spectaculaire. Il n'avait pas capté la balle. Ouais. La balle avait touché le mur avant de tomber dans le camp de Larry Walker, mais il avait fait ça de façon tellement subtile que les officiels n'y avaient vu que du feu. Et moi, ce que je retiens, tu vas rire, là. Notre collègue Ross Porter des Dodgers de Los Angeles, ce soir-là, à la radio, il était fin seul. Okay, monsieur, alors, il a passé tout le match sans l'aide d'un collègue à ses côtés. Il m'a dit une chose, je lève mon chapeau parce que sans se lever pour faire la description d'un match de baseball, qui était palpitant, remarque bien, là. moi, je lève mon chapeau à ce bonhomme-là. C'était incroyable de voir qu'il était toujours là. Je sais pas s'il s'est levé pour aller à la toilette. Mais tu sais que Claude Hubert m'a dit que ça faisait long, passer 7 heures en entour de Youpi. Ah, ben, oui. Mais c'est... écoute, il pouvait aller se rafraîchir dans le vestiaire, lui-là. Effectivement. Il n'était pas toujours sur le terrain. Oui. Jacques, gros merci, on s'en reparle bientôt. Bonne journée, je pense que tu t'en vas dans le coin de Richelieu, donc on s'en reparle bientôt. C'est ça, Daniel, à la prochaine. Notre ami Jacques Dussel.